Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Reprenons aujourd'hui la lecture du discours de la méthode de René Descartes, publié en 1637 et issu d'un séjour que le philosophe passa dans une pièce chauffée à s'entretenir avec lui-même. Après avoir énoncé les quelques règles nécessaires pour bien conduire sa raison, Descartes s'interroge sur l'application de sa méthode dans le domaine pratique. Comment ne pas être irrésolu et vivre le plus heureusement possible, se demande-t-il. Eh bien, c'est pour répondre à ces questions qu'il propose ce qu'il appelle une morale par provision. Écoutez-le. Afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais, je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'en 3 ou 4 maximes dont je veux bien vous faire part. Une morale par provision, donc, pour faire face aux situations où la connaissance est impossible et où nous sommes tout simplement perdus. Pensez à des randonneurs égarés dans une forêt qui ne savent plus quel chemin prendre et vous aurez l'image exacte de l'état de ce désarroi décrit par Descartes. Bon, on est perdu ou on n'est pas perdu? Perdu, c'est un grand mot. Égaré, quoi. Situé sur la carte, on est dans cette zone-là, entre là et là. Ouais, bon, enfin, une carte, c'est bien, mais quand on sait pas où on est, ça sert pas à grand-chose. Hein. Alors, quoi, on arrive? Bon, je leur dis. Dramatise pas trop. Hein. Bon, on est complètement paumés, les mecs. Quoi? So long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Bonjour Denis Moreau. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Dazed and Confused, c'est l'état de Led Zeppelin dans cette chanson. C'est l'état aussi des Randonneurs, le film de Philippe Harel, hein, dont on a entendu un extrait avec Benoît Poulvord. Ils sont complètement perdus. Et c'est l'état dans lequel on doit se situer pour imaginer comment Descartes en vient à proposer une morale par provision. Quand on ne sait plus quoi choisir, quand on ne sait plus où aller, eh bien, il faut procéder par quelques maximes qu'il va nous énoncer. C'est ça la troisième partie du discours de la méthode. Oui, alors son problème, c'est de cesser d'être dazed and confused, de savoir quoi faire alors même qu'il ne sait pas très bien quoi faire. Alors pour saisir ça, il faut resituer un tout petit peu le texte dans le déroulé du discours de la méthode. Vous avez parlé hier des deux premières parties. Donc on a le jeune Descartes, déçu par ses études, très désireux de trouver de la certitude et qui, comme chacun le sait, se met à douter de tout, entreprend, comme il le dit, de se défaire de ses anciennes opinions. Et là, il rencontre un problème, c'est-à-dire que autant douter de tout, c'est une attitude opératoire, intéressante dans le domaine, on pourrait dire spéculatif, dans le domaine de la science, autant dans le domaine de la pratique, de la vie, ça se révélerait catastrophique. Alors souvent, les philosophes se réfèrent à l'histoire de l'âne de Buridan pour expliquer ça. L'âne de Buridan, donc situation théorique mise au point par un théologien du XIIIe siècle, a à peu près également faim et soif. On lui donne un picotin d'avoine et un seau d'eau qu'on met à peu près à équidistance. Et si l'âne attend d'être certain de savoir par quoi commencer l'avoine ou l'eau, il va mourir de faim. Ou de soif. Et ce que Descartes cherche à faire dans ce texte-là, c'est d'échapper à ce qu'on pourrait appeler le syndrome Buridan, avec cette idée qui est quand même une idée assez forte et on n'avance pas très souvent chez Descartes, que la logique de la vie n'est pas la même que celle de la science, qu'autant dans le domaine de la science, il faut chercher la vérité, n'accepter que l'évidence, enfin toutes ces règles de la méthode, autant dans le domaine de la vie, et ça Descartes le dit à plusieurs reprises dans son œuvre, il y a une forme d'urgence qui fait qu'on doit parfois se décider précipitamment, sans être absolument sûr de ce qu'on décide. C'est tout le temps en fait, ça, non ? Rare sont les situations où on maîtrise absolument toutes les composantes. C'est par provision. Alors par provision, c'est un mot qui aujourd'hui a disparu. Si vous regardez le dictionnaire de Furtière, donc un des premiers dictionnaires français du XVIIe siècle, qui marquait par provision, signifie en attendant. Donc là, c'est en attendant mieux. En attendant quoi ? Alors, on peut en revenir à ce fameux texte de l'arbre de la philosophie que propose Descartes dans la lettre préface des principes de la philosophie en 1647. Vous savez, on fait souvent ça en terminale. Il y a à la racine la métaphysique, le tronc la physique, et puis les branches, la médecine, la mécanique et, dit Descartes, la plus haute et parfaite morale. Donc une morale qui serait fondée comme une science sur une connaissance certaine de ce qu'est mon esprit métaphysique, de ce qu'est mon corps physique. Et puis à l'arrivée, l'union de l'esprit et de mon corps, on s'est donné les moyens de bien comprendre ce que c'est et on aurait idéalement une morale parfaitement assurée. Alors ça, c'est l'idéal, peut-être ce que vise Descartes. Sous la racine, quand on commence à faire de la philosophie, il y a la morale par provision, donc on pourrait dire substitutive, faute de mieux, mais qui doit quand même servir à réguler la vie en attendant qu'on ait pu constituer une éventuelle morale définitive dont, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais il n'est pas tout à fait évident que Descartes soit parvenu à la fabriquer. Denis Moreau, vous êtes professeur d'histoire de la philosophie moderne à l'Université de Nantes. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Descartes et je crois que cette troisième partie du discours de la méthode de Descartes vous tient particulièrement à cœur. Oui, alors, bon, je ne sais pas si je peux dire ça, puis je ne vais pas trop m'étendre, mais pour moi, c'est plus qu'un texte de philosophie, c'est un texte que... Alors, je l'ai découvert, j'avais 19 ans, grâce à un professeur extraordinaire qui s'appelait André Pessel, qui était un professeur de philosophie en Cagnolet-sous, le grand cas qui est très peu connu parce qu'il n'a pratiquement rien écrit, qui nous a fait un commentaire éblouissant de ce texte. Et alors, depuis, c'est pour moi plus qu'un texte de philosophie, parce que c'est un texte qui m'accompagne dans ma vie. On peut dire que j'essaie de vivre comme ça, comme Descartes explique de le faire, et à plusieurs reprises, un texte, notamment la seconde maxime dont on va parler tout à l'heure, qui m'a aidé à me dépêtrer de situations compliquées ou à m'orienter alors que je ne savais plus très bien quoi faire. Donc oui, j'ai un rapport un peu plus que théorique à ce texte-là. C'est exactement ce que souhaitait Descartes. Je suppose, dans cette partie, c'était justement d'examiner l'application pratique des règles plutôt théoriques qu'il avait mis en place jusque-là. Oui, alors ça va pas complètement de soi que ce soit une application des règles de la méthode au sens où si la méthode c'est n'accepter que l'évident, là on va faire autre chose. Mais on va voir en lisant, c'est vrai que, pour le dire d'une expression un peu compliquée, c'est une forme de méta-savoir, c'est-à-dire il s'agit de trouver ce qu'il est certain ou bon de faire alors qu'on ne sait pas très bien ce qui est bon et certain. Alors, on va, rappelez-vous, Descartes vient de le dire, le but c'est de ne pas demeurer irrésolu en ses actions et de vivre le plus heureusement qu'il le peut. Voici donc la première maxime qu'il établit. La première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la gloire d'être instruit dès mon enfance, et me gouvernant en toute autre chose, suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès, qui fussent communément reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Car commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, à cause que je les voulais remettre toutes à l'examen, j'étais assuré de ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensées. Et encore qu'il y en ait peut-être d'aussi bien sensées parmi les Perses ou les Chinois que parmi nous, il me semblait que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Précisons d'emblée, Denis Moreau, ce que Descartes entend par morale, car ici la définition qu'il donne de cette morale est utilitaire, pragmatique. Il s'agit d'être le plus utile possible. Oui, alors vous faites bien, c'est le mot important dans cette maxime. Alors, par morale, je crois que morale n'est pas un mot sale, hein, ça l'est devenu pour ça, mais morale en latin c'est mores, les mœurs. Non, mais là on est bien loin de la morale kantienne par exemple. Or, c'est le même terme. Il s'agit de savoir quoi faire. Quant à ses réponses, Descartes a les siennes. Alors, cette morale, cette première règle de la morale par provision, elle est un peu décevante de prime abord, parce que c'est une sorte d'éloge du conformisme. Donc, obéir aux lois et aux coutumes de son pays. De son pays. Où que l'on soit. Et quand même, quand les lois et les coutumes diffèrent, regardez de préférence ce que Descartes appelle d'une belle expression les mieux sensés. Donc, ceux qui réfléchissent un peu. Donc, c'est qui, l'élite? Les philosophes. Les philosophes. Donc la première règle de la morale, c'est en fait de faire ce que font les philosophes. Ce que font les bons philosophes. Donc écoutez les choix de la philosophie. Sans être certain. on y entend les mieux sensés. Pourquoi dites-vous conformiste? Conformiste, obéir aux us et coutumes de mon pays. Je fais ce qui se fait. Alors vous voyez, ça, c'est un peu étonnant de prime abord. Ça déplairait beaucoup à un Heideggerien. Heidegger dit le on, c'est très mal de faire ce qu'on fait. Il y a aujourd'hui quand même une forme de prime donnée à l'anticonformisme chez les philosophes aussi bien que chez les jeunes et encore plus chez les jeunes philosophes. Là, Descartes dit, alors dans la situation d'incertitude où je suis, pourquoi ne pas faire ce qui se fait? Pourquoi ne pas faire ce qui se fait avec deux clauses quand même. Première clause, je suis les mieux censés, donc j'essaie de sélectionner quand même dans ce qui se fait ce qui me paraît le plus intelligent. Et puis, je ne suis pas dupe. Alors c'est ça qui est intéressant dans ce texte-là. Je ne suis pas dupe parce que je suis parfaitement au courant du caractère arbitraire de ces règles. Il parle un peu plus loin des Perses et des Chinois, donc il sait très bien que sous d'autres horizons, les choses se passent différemment. Mais je le fais pour mon utilité. Alors je crois que on pourrait dire par rapport à ce qui se fait ou au conformisme, il y a trois attitudes possibles. Il y a l'attitude naïve. L'attitude naïve, ça consiste à dire alors ce qui se fait, donc je dis bonjour à la dame, je mets la fourchette à gauche et le couteau à droite, etc. C'est parce que c'est bien, que Dieu l'a commandé. Et ça, Descartes n'est pas dupe. On sait très bien que c'est différent ailleurs. Il y aura une deuxième attitude, c'est l'attitude, on pourrait dire, alors Descartes n'aurait pas dit ça, du punk. Le punk, il dit ces règles sont arbitraires, donc je les envoie promener. Je ne dis pas bonjour à la dame, je mets la fourchette à droite et le couteau à gauche, je ne respecte pas les règles de politesse. Et ça, c'est très fatigant. Ça. Moi, j'ai essayé d'être punk quand j'étais petit, pendant 2 ou 3 ans, c'est épuisant. Et puis, il y a une troisième attitude, celui qui n'est pas dupe, comme Descartes, mais qui pour son utilité, c'est-à-dire pour le confort et la facilité de vie que cela offre, de se soumettre aux us et coutumes, l'a choisi, choisit de les respecter, et choisissant ça, donc j'ai l'utilité, dans d'autres parties du texte, Descartes dit ça me donne du loisir, c'est-à-dire de la tranquillité pour pouvoir exercer en toute paix mon métier de philosophe. C'est la distinction que proposera Pascal alors, dans ses pensées entre l'habile et le demi-habile. Oui, Pascal, alors, et dans le discours sur la condition des grands, et dans les pensées, dit ça, j'ai amené le texte de la pensée, là c'est la 90-91 dans la Fuma, gradation. Le peuple honore les personnes de grande naissance, ça c'est le naïf. Le demi-habile les méprise disant que la naissance n'est pas un avantage de la personne mais du hasard, ça c'est celui que j'ai appelé le punk. Les habiles les honorent non par la pensée du peuple mais par la pensée de derrière, c'est-à-dire sans être dupe. Il faut avoir une pensée de derrière et juger de tout par là, en parlant cependant comme le peuple. C'est exactement ce que dit Descartes. La seule différence, c'est que chez Pascal, il y a une quatrième catégorie, ce sont les dévots, alors avec qui il se passe toujours des choses un peu spéciales. On n'a pas ça chez Descartes. Donc Pascal tient, s'inspire de Descartes quand il écrit ça. Je pense assez clairement, oui. Il n'est pas le seul. C'est un texte, oui, c'est peut-être le texte le plus oublié du discours de la méthode. Tout le monde entend parler de la méthode, la deuxième partie, la métaphysique, la quatrième partie, maître et possesseur de la nature par la suite. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors que c'est un texte qui, au XVIIe siècle, a eu beaucoup de retentissement. Chez Pascal, comme vous venez de le rappeler, et aussi dans le tout début du traité de la réforme de l'entendement de Spinoza, avec une longue et belle réflexion sur ce qu'il faut faire pour bien vivre, et qui se termine par la mise en place de quelques règles qui évoquent fortement celle de Descartes. Oui, la conclusion étant que pour vivre heureusement, donc c'est-à-dire pour vivre le plus heureux possible, il vaut mieux faire comme tout le monde afin de ne pas être dans une opposition permanente et de se dégager du temps pour philosopher. Voilà. Donc c'est parfaitement utilitariste, comme vous me l'avez dit, mais il n'a jamais été dit que rechercher son utile propre, comme dirait Spinoza, ce soit une conduite immorale. Est-ce que vous êtes prêt à passer à la deuxième maxime ? Allons-y. Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté et ne le changer point pour de faibles raisons. Encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. Car par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part où, vraisemblablement, ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant aucun délai, c'est une vérité très certaine que, lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables. Et même, qu'encore que nous ne remarquions point davantage de probabilité aux unes qu'aux autres, nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes et les considérer après, non plus comme douteuses, en tant qu'elles se rapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines. Et ceci fut capable, dès lors, de me délivrer de tous les repentirs et les remords qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie en pleine forêt. Ce texte est pour vous. Vous l'avez mis à l'épreuve, Denis Moreau. Ce que dit Descartes fonctionne lorsque nous sommes perdus en pleine forêt? Ah, je pense, oui. Alors, d'abord, c'est beau. C'est tout simplement la langue est belle. Alors, la langue est belle. Dans une édition que vous avez présentée au livre de poche. Un peu sinueuse aujourd'hui, mais splendide. Alors là, on peut dire au cœur de la morale par provision, puisque je suis perdu. Alors, comprenons, la forêt, c'est la vie. Hein, je ne sais pas très bien quoi faire. Et il faut quand même choisir quelque chose. Et là, dit Descartes, dans cette situation d'incertitude, il y a au moins deux certitudes. Alors, je suis perdu dans la forêt. Je ne vois pas la lisière. Ça, il faut penser. La comparaison n'a de sens que s'il y a de la lisière, c'est-à-dire si je peux espérer un jour parvenir à la vérité ou à la certitude. Mais dans cette attente, dit Descartes, il y a deux choses sont sûres. La première, il vaut mieux se décider que de ne rien faire. Je suis plus sûr d'atteindre un jour la lisière en choisissant une direction qu'en restant sur place. Et la seconde, une fois la direction choisie, le mieux à faire est de s'y tenir. C'est-à-dire, alors que je suis à 1 kilomètre de la lisière, je pars dans une direction où la lisière se situe à 10 kilomètres, j'ai plus de chances de sortir en allant tout droit dans cette mauvaise direction qu'en me mettant à tournicoter. Donc ça, c'est un premier niveau de lecture de ce texte, qui est une sorte d'éloge de la détermination ou de la résolution. Après, alors comme souvent avec les bons philosophes, et Descartes en est un assurément, on peut penser qu'il a mis du soin à choisir sa comparaison ou son image, donc ça vaut la peine de la décrypter un petit peu. Et moi, il y a une trentaine d'années, je suis allé en forêt avec mon discours de la méthode, et j'ai essayé d'aller droit. Sans prendre de risques exagérés, mais j'ai essayé d'aller droit. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux méthodes. Il y en a une qui marche pas et une qui marche. Alors, la méthode qui ne marche pas, c'est de choisir une direction, de se lancer et de partir. Là, si vous faites ça, au bout de 100 mètres, vous vous retournez, vous savez pas d'où vous êtes parti. Devant vous, il y a des arbres partout. Oui, il est difficile d'aller tout droit dans une forêt quand on ne sait pas d'où on part. Donc, c'est une bonne question. C'est comment on fait pour aller tout droit? Et je vais vous l'expliquer. Pour aller tout droit, je pense qu'il n'y a qu'une méthode. Il faut, du son point de départ, viser 2, 3 ou 4 arbres dans un même alignement, avancer au premier, là, sans perdre de vue ce qu'on a déjà visé, en reviser 2, 3 ou 4, avancer au second, etc., etc. Et là, on va droit. Alors, on transpose. Première méthode, celle qui ne marche pas, c'est la méthode de ce qu'on pourrait dire la décision unique et velléitaire. Un jour, je dis, avec des accents triomphalistes, j'ai choisi de faire ça, je me lance. Et puis, tout le monde le sait. Le temps mine les bonnes résolutions, elles s'étiolent. Les amoureux fous qui se sont dit oui devant monsieur le maire se mettent à se disputer et les choses dégénèrent et on se met à tournoyer, comme le dit Descartes. Des remords et des repentirs qui ont coutume d'agiter les consciences des esprits faibles et chancelants. Et c'est douloureux. Les passions de l'âme de Descartes diront que le remords est la plus amère de toutes les passions. Donc, c'est quelque chose dont Descartes se méfie. Et après, seconde méthode, donc celle dont je vous ai parlé pour aller droit. Donc, non pas un choix unique fait une fois pour toutes, mais une accumulation patiente, têtue, réitérée de choix qu'on refait, comprendre qu'on refait chaque jour. Au lieu de parier sur l'efficace initiale d'une grande décision. Et là, en faisant ça, on se donne les moyens, c'est-à-dire en usant de sa liberté, parce que ce texte c'est un texte sur l'usage de ce que Descartes appelle la volonté et la liberté, en usant de sa liberté au présent, en se disant « je choisis plutôt qu'au passé ». J'ai choisi une fois pour toutes, on se donne les moyens de produire de la constance. Donc c'est-à-dire qu'il décrit une situation dans laquelle nous sommes en terrain obscur, sans repère, sans guide, sans direction préétablie, et qu'il montre que bien qu'il faille agir, et donc l'immobilité n'est pas une option, agir, aller n'importe où ou n'importe comment, sont des mauvais choix. Il faut agir, mais aussi agir de manière à ne pas regretter. Alors, il y a deux cas, hein, dans Descartes distingue explicitement le cas de celui qui ne sait alors c'est le second, on va commencer par le premier, pardon. Il parle de vraisemblable. Donc le vraisemblable, alors là encore on est dans le crime de lèse-méthode, hein, la règle de l'évidence a banni le vraisemblable de la philosophie, donc on voit très bien que c'est tout à fait autre chose que la spéculation. Dans le cas où il y a du vraisemblable, on peut le choisir sans assurance. Alors je ne sais pas à quoi on pourrait penser, un choix amoureux. Les choix amoureux par vraisemblable, c'est un peu triste, non ? Écoutez, moi, le jour où je me suis marié, je n'étais pas complètement sûr d'avoir choisi la bonne femme parmi les 3 milliards qui sont sur Terre. Et vous êtes encore marié aujourd'hui. Et je suis encore marié aujourd'hui. Donc, il me semble qu'on n'est pas dans la certitude absolue, comme dira Descartes dans son lexique de théoricien. On n'est pas dans le cas où il y a une grande lumière dans l'entendement, d'où suit une grande inclination dans la volonté. On est dans le cas où il y a une certaine appétence ou une certaine tension, mais sans certitude absolue. Mais c'est la logique de la vie, il faut l'accepter. Alors c'est le cas le plus favorable. Descartes, le second cas, c'est quand je suis au milieu de la forêt et que je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Là, dit Descartes, il faut quand même se résoudre à quelque chose. Quoi que ce soit. On a plus de chances de sortir que si on ne le fait pas. Alors évidemment, à nouveau, le modèle ne vaut que par l'espérance qu'il y a de la lisière. C'est-à-dire, puisque là, je suis quand même en train, faut pas oublier que je suis en train de chercher la vérité, que je garde l'espoir d'atteindre un jour la vérité. On pourrait dire, c'est Alexandre Lacroix qui a écrit un livre là-dessus, que pour un sceptique complet, c'est-à-dire qui pense que quelqu'un qui pense que la vérité n'existe pas, qu'en avançant dans la forêt, il n'y a aucune chance d'amélioration, le modèle cartésien tient mal. Parce que s'il n'y a pas de lisière, je peux rester au milieu de la forêt, j'ai rien à perdre. D'où l'importance de l'espoir. D'où l'importance de l'espoir. Et alors, vous voyez, on est chez Descartes, philosophe qui croit en l'existence de la vérité et qui veut la chercher. Donc le contrat n'est pas d'avancer dans les ténèbres. C'est le contrat de l'Aufklärung. C'est un chemin de lumière, d'avancer de moins de lumière vers plus de lumière, vers quelque chose qui m'aidera à percevoir la vérité que je cherche. Mais alors dans quelle mesure ce qu'il écrit dans cette troisième partie du discours de la méthode contredit ou se distingue absolument de ce qu'il avait écrit précédemment, à savoir la méthode théorique ? Parce que s'il dit bien qu'il faut tenir, il faut chercher non plus le vrai, mais le probable, c'est exactement l'inverse, vous l'aviez dit, hein, dans la méthode théorique. Donc ça veut dire que la théorie et la pratique s'opposent absolument ? Ça veut dire que les mathématiques ne peuvent pas s'appliquer dans le domaine pratique et ce ne sont pas des guides en morale ? Pour la morale, par provision. Faut de mieux, avec cet espoir qu'un jour... espoir sans doute un peu vain, que la biographie de Descartes n'a pas réalisé. Avec cet espoir qu'un jour, je constituerait la vraie science qui me permettra d'obtenir en morale la même certitude dans la métaphysique et les mathématiques. Mais au par moment, par provision, ça veut dire qu'il espère pouvoir proposer une morale plus fiable et plus définitive. Il espère qu'il aura le mieux un jour. Alors il ne fera pas. Ça, c'est une question disputée des études cartésiennes. Ce qui est assez troublant. Donc tout ça se passe c'est le jeune Descartes. Hein, nous sommes en 1619, probablement juste après qu'il a rêvé. Dans son rêve, il s'est posé la question. C'est plus de 20 ans avant la rédaction du discours de la méthode. Oui, c'est au début de la période d'errance de Descartes. Donc c'est un portrait du philosophe en jeune homme. Hein. C'est peut-être plus parlant si on s'imagine, vous voyez, à 18 ou 25 ans, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on veut faire. Donc il est en train d'y réfléchir. Après, alors il va, donc, je reprends mon arbre de la philosophie, morale par provision. Et puis après, il faut faire de la métaphysique. Il la fera. Quatrième partie du discours, méditation. Puis après, il faut faire de la physique. Il la fera. Principe de la philosophie. Puis après, il faut faire de la mécanique et de la médecine. Il la fera. Traiter des engins, traiter de l'homme. Et puis, donc, on peut dire et ta branche morale, là, la plus haute et la plus parfaite morale qui devrait couronner le tout. Et alors là, fait troublant. Le 4 août 1645, Descartes est en train d'entretenir une grande et belle correspondance avec la princesse Élisabeth. Son texte magnifique, hein, qui ont été édités à part en Garnier Flammarion et dont on peut recommander la lecture. La princesse lui demande « Que me conseillez-vous en matière de morale ?» Et là, Descartes lui recopie les 3 règles de la morale par provision, quasiment mot pour mot. Donc, alors que la philosophie est faite, la philosophie qui devrait permettre de sortir du provisoire pour s'installer dans le définitif a été constitué, c'est de nouveau la morale provisoire qui revient. Comme si, alors je ne sais pas s'il faut dire que la morale est devenue définitivement provisoire, mais ça donne à penser, hein, ça donne à penser. Alors, ça donne à penser parce que ça veut dire que peut-être ce projet initial d'une morale aussi certaine qu'une science, qui répondrait de façon automatique et mécanique à nos interrogations en matière existentielle, bah ce projet Descartes s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le réaliser. Il le dit dans certains textes, notamment une lettre à un monsieur qui portait le pseudonyme d'Hyperaspistès, c'est-à-dire combattant de réserve en grec, auquel Descartes a écrit en 1641, lui disant « Évidemment, bien sûr, on a des principes, mais la vie, c'est trop compliqué. » Il faudrait, écrit-il, assurément souhaiter autant de certitude dans les choses qui regardent la conduite de la vie qu'il en est requis pour acquérir la science. Mais pourtant, il est très facile de démontrer qu'il n'y en faut pas chercher ni attendre une si grande. Cela peut être démontré facilement a posteriori par les conséquences qui s'en suivraient, comme par exemple si quelqu'un voulait s'abstenir entièrement de nourriture jusqu'à ce qu'il mourût de faim, sous prétexte qu'il ne serait pas certain qu'aucun poison n'y aurait été mêlé, et qu'il croirait n'être point obligé de manger parce qu'il ne serait pas clair ni évident qu'il ait devant lui de quoi sustenter sa vie, et qu'il vaut mieux attendre la mort en s'abstenant de manger que de se tuer soi-même en mangeant. Certainement, celui-là devrait être qualifié de fou et accusé d'être son propre assassin. Oui, alors c'est la version cartésienne de l'histoire de Buridan. Hein. Donc, c'est ce que dit Descartes, c'est « je peux toujours avoir constitué une science sûre, bien connaître la nature des poisons, bien savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour mon corps. Je ne peux pas, chaque fois que je vais à la cantine pour me sustenter, me permettre une analyse toxicologique de tous les plats qu'on aime. Donc, je suis obligé de faire avec du probable, du très probable en l'occurrence. Mais c'est un bon argument contre le complotisme d'ailleurs. Oui, mais la vie est trop compliquée pour permettre de marcher avec une pleine assurance. Alors, je nuance un tout petit peu ce que je dis quand même. Là, j'ai expliqué ce qu'était la thèse classique chez les cartésiens jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, donc la morale provisoire a fini par devenir définitive. En fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que en constituant la philosophie, il y a des choses qui ont été acquises pour Descartes, la méthode, l'existence de Dieu, ce qui n'est pas rien, la distinction réelle de l'esprit et du corps, etc. On a appris comment un esprit fonctionne, on a appris que ce qu'il y avait de plus haut dans notre esprit, c'était la volonté et la liberté. Donc, il y a quand même, par rapport à l'obscurité de la forêt initiale, une nouvelle clarté dans les œuvres finales de Descartes, une nouvelle clarté qui fait qu'on peut dire qu'on a au moins gagné en vraisemblance pour ce qui est de la morale. Mmh. Et que les textes de la fin de la vie de Descartes, alors notamment la correspondance avec Élisabeth, et puis les Passions de l'âme, hein, qui sont quand même son grand ouvrage de philosophie morale, ont permis de se trouver dans une situation nettement plus assurée que celle où il se trouvait en 1619 quand il était perdu dans la forêt. Mais, alors, est-ce souhaitable? Après tout, je n'en sais rien. C'est toute la question. C'est pas une morale qui répond de façon mécanique à la question que dois-je faire en donnant des opinions certaines mais dans tous les cas. Pourquoi on y est plus sensible aujourd'hui, voilà, dans un monde où peut-être la religion est moins courante, où il y a moins de repères qu'à cette époque, de se dire mais finalement cette morale par provision nous convient parce qu'elle nous enjoint, nous encourage à agir, y compris dans l'urgence, y compris quand on n'est pas voilà sûr de nous. On pourrait dire ça nous parle particulièrement à nous modernes. Hein, c'est le titre d'un ouvrage du philosophe juif Maïmonide au XIIe siècle, Le Guide des Égarés. Descartes ici se pose en Guide des Égarés. On peut dire, alors vous voyez, si on parle de la fin de la vie de Descartes, il a bâti le palais de la philosophie avec ses grandes pièces. Et puis, mais dans tout palais ou dans toute maison, il y a toujours un petit endroit, l'atelier qui est réservé pour le bricolage, pour les tâches un peu moins nobles et un peu plus compliquées. Peut-être que la morale reste ce lieu où on bricole un peu. D'ailleurs, il prend beaucoup la métaphore de l'architecture dans ses textes, autant que celle du randonneur, du marcheur en pleine forêt. Il nous reste deux maximes à écouter, mais avant cela, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce que veut dire Descartes lorsqu'il parle des esprits faibles et chancelants ou de fous. Celui qui refuserait de manger serait un fou. Qui sont ces gens? Ce ne sont pas des gens qui sont dénués d'intelligence, puisque nous l'avons dit hier, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, et que finalement il y a sans doute une intelligence égale, même si ce point est à nuancer. Est-ce que ce sont des gens qui ne savent pas se servir de leur intelligence, qui seraient, oui, voilà, ou qui manqueraient de fermeté dans leur volonté, justement? Oui, vous en avez parlé hier, la première phrase du discours de la méthode, elle est quasiment ironique, parce que ça dit le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ok, mais la phrase qui suit explique que l'autre chose qui est bien partagée, c'est que les gens s'en servent plutôt mal. C'est à peu près. Alors, les esprits faibles et chancelants, ce sont les gens pusillanime, qui ricoche de projet en projet, de désir en désir, de corps en corps, peut-être comme des boules de flippers affolées, qui ne savent pas se tenir à ce qu'ils ont décidé, qui laissent le temps miner leur volonté. Ça, c'est... Enfin, malheureusement, je ne sais pas, c'est en tout cas une situation assez courante. Et donc, chez Descartes, ça s'oppose à la détermination. La détermination, c'est-à-dire, alors, on le découvrira en faisant de la métaphysique, le meilleur usage possible que nous puissions faire de notre liberté. Et notre meilleur usage possible que nous puissions faire de notre liberté, ça produit deux choses, dit Descartes, qui sont comme le couronnement de sa morale dans les passions de l'âme, ce qu'il appelle la satisfaction de soi. Alors, faut pas comprendre une satisfaction à... un bon gros contentement crasse et bourgeois, hein. C'est le fait de savoir qu'on a agi au mieux, et la passion, c'est-à-dire le sentiment qui accompagne le fait de savoir qu'on a agi au mieux, c'est ce que Descartes appelle la générosité, qui pour lui est ce qu'on peut éprouver de mieux. Spinoza, dans son lexique assez cartésien sur ce coup-là, parlera de d'acquiescentia in se ipso, d'acquiescement à soi-même. Vous savez, on éprouve tous ça, les moments où on est pleinement d'accord avec soi. Je pense que tout le monde a fait l'expérience. Le problème, c'est que ça arrive rarement. Ce que vous disent Descartes et Spinoza, c'est qu'en travaillant bien sa philosophie, ça peut quasiment devenir un état permanent. Leur philosophie. Chacune respective. Enfin, leur philosophie donne le moyen de faire ça. Alors, dans la troisième maxime, contre toute attente peut-être, Descartes semble, disons, stoïcien. Il nous explique que pour atteindre ce contentement et cette satisfaction, eh bien, il vaut mieux essayer, non pas de changer le monde, mais ses propres désirs. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plus tôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde, et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher de rien désirer à l'avenir que je naquisse, et ainsi pour me rendre content. Car, notre volonté ne se portant naturellement à désirer que les choses que notre entendement lui représente en quelque façon comme possible, il est certain que si nous considérons tous les biens qui sont hors de nous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n'aurons pas plus de regret de manquer de ceux qui semblent être dus à notre naissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nous avons de ne pas posséder les royaumes de Chine ou du Mexique, et que faisant, comme on dit, de nécessité vertu, nous ne désirerons pas davantage être sains étant malades ou d'être libres étant en prison, que nous faisons maintenant d'avoir des corps d'une matière aussi peu corruptible que les diamants ou des ailes pour voler comme les oiseaux. Mais j'avoue qu'il est besoin d'un long exercice et d'une méditation réitérée pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses, et je crois que c'est principalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire de l'empire de la fortune et, malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec leur Dieu. Denis Moreau, nous nous approchons de la fin de cette partie et on commence à comprendre avec cette troisième maxime que l'important est quand même de se diriger vers une voie philosophique et d'user de sa volonté de manière à peut-être devenir le plus le philosophe possible soi-même. Oui, alors on le comprendra encore mieux avec la quatrième. Il faut remarquer que tout ça est très construit, hein. Première maxime, orientée vers le futur. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde autour de moi. Deuxième maxime, pendant que je suis en train d'accomplir au présent. Troisième maxime, une fois que j'ai fait de mon mieux, qu'est-ce qui me reste? Donc, futur, présent, passé. Puis il y a un mouvement d'intériorisation. Première maxime, je regarde autour de moi les us et coutumes. Deuxième maxime, c'est moi tout entier engagé dans l'action. Troisième maxime, ce sont mes pensées. Donc, tout ça est sous ces apparences de petites listes assez bien structurées. Alors, cette troisième maxime, c'est la plus connue. Je crois, des règles de la morale par provision. On pourrait dire, c'est du stoïcisme simplifié. Changer mes désirs plutôt que l'ordre du changer monde. Changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. Vous savez, chez les stoïciens, il y a ce départ qui est fait entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Alors, c'est pas du tout un éloge de la paresse ou de l'inaction, hein. j'agis, je fais ce que je peux. On aura la fameuse phrase de la sixième partie, travailler à devenir comme maître et possesseur de la nature, vous en reparlerez, travailler. Donc il ne s'agit pas du tout de ce qu'on appelle l'argument paresseux chez les philosophes, de ne rien faire, mais cette idée qu'une fois que j'ai fait tout ce qui dépend de moi, il faut que j'admette que je ne peux pas avoir de prise sur ce qui reste. C'est-à-dire que je peux avoir une prise sur ma santé dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Mais je n'ai pas de prise sur ma mort, par exemple. Sur la météo, sur certaines choses. Donc ça ne sert à rien d'essayer de me rendre responsable. Et quand je suis malade, je n'ai pas de prise sur le fait que je sois malade. Donc voilà, changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. Alors que, deux remarques là-dessus. D'abord, comme il le dit, il est besoin d'un long exercice et d'une méditation souvent réitérée pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses. Donc ça n'est sûrement pas facile. Et puis, c'est comme une application, c'est pour ça que je vous parlais des philosophes à propos des mieux sensés dans la première maxime. Nous sommes au XVIIe siècle, il y a un fort mouvement néo-stoïcien. Descartes regarde Juste Libs, Guillaume Duvers, etc. Descartes regarde autour de lui et sans doute se rend-il compte que les gens qui vivent de la façon la plus sage, ce sont ces néo-stoïciens. Et donc, pour cette troisième maxime, on va adopter une forme de stoïcisme simplifié. Simplement, il faut se souvenir que tout ça est par provision. Souvent, on dit « Ah oui, la morale cartésienne, c'est du stoïcisme, etc. » C'est la morale par provision cartésienne qu'est du stoïcisme. La morale terminale, c'est pas absolument évident qu'elle soit stoïcienne. Peut-être qu'en cours de route, on va avoir découvert des choses qui feront qu'on peut se comporter autrement qu'un stoïcien. Changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde, ça implique quand même une grande maîtrise de sa propre volonté. Vous l'avez dit chez Descartes, la volonté et la liberté sont infinies. Est-ce que ça veut dire que chacun peut en user de manière infinie? Parce que nous ne sommes pas tous capables d'agir fermement sur notre propre volonté. Oui, alors si vous me permettez, j'ai pas dit que chez Descartes la volonté était infinie, parce que c'est pas vrai. C'est vrai, c'est la liberté qui est infinie. Vous aviez comparé tout à l'heure liberté et volonté, ce qui m'avait intrigué. Donc c'est aussi une manière de vous demander de distinguer. Si la liberté est infinie, ça, c'est une espèce de catastrophe métaphysique, parce que tous les arguments en faveur de l'existence de Dieu qui reposent sur l'idée qu'il n'y a rien d'infini en moi s'écroulent, et donc il n'y a plus de méditation. La liberté, sont très amples, dit Descartes, en nous. Alors, il faudrait repartir sur la théorie cartésienne de la liberté. Très schématiquement, chez Descartes, je simplifie, il y a deux degrés, deux façons de se servir de la liberté. Il y a la liberté d'indifférence. La liberté d'indifférence, c'est quand je choisis sans avoir vraiment de raison de choisir. Le cas typique, c'est le prestidigitateur qui me présente deux cartes retournées. Et ça, c'est de cette liberté-là qu'on fait usage en grande partie dans la morale par provision, quand on ne sait pas très bien quoi faire et que pourtant on éprouve en soi la capacité de choisir. Et puis il y a une autre fois, alors cette liberté d'indifférence, Descartes dit c'est le plus bas degré de la liberté. On comprend bien, parce que ça revient à définir la liberté comme puissance de faire n'importe quoi. Ce qui est une définition possible, mais pas la seule. Et puis Descartes dit il y a un second degré de liberté préférable, c'est ce qu'il appelle la liberté éclairée. La liberté éclairée, c'est quand je peux choisir en connaissance de cause, c'est-à-dire que j'aperçois avec le maximum de clarté possible le vrai ou le bien que je sélectionne. On peut dire que c'est ça l'image de la forêt et c'est ça le travail de la troisième partie du discours de la méthode, c'est de commencer à vivre dans une situation proche de l'indifférence, enfin de l'usage de la liberté d'indifférence, pour se donner les moyens un jour d'être capable de vivre en usant de sa liberté. Comment agencer notre liberté et nos connaissances? Comment faire que les connaissances acquises viennent éclairer l'usage de notre liberté. Alors la volonté? La volonté chez Descartes, alors il identifie presque volonté et liberté. La volonté, c'est le pouvoir que j'ai en moi de dire c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal, donc de prendre des décisions sur ce que la faculté de connaître, donc l'entendement, me présente. Et cette faculté est-elle égale en chacun? Parce que c'était le sens de ma question, dire qu'il vaut mieux changer nos désirs que l'ordre du monde présuppose que nous pouvons facilement changer nos désirs. Rien n'est plus difficile, tout n'est pas affaire de volonté. Dans la topique cartésienne, vouloir ou désirer de façon consciente, c'est une opération de la volonté, donc c'est quelque chose qui se maîtrise. Donc si nous voulons, nous pouvons. À condition de bien vouloir. C'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est ça. Et donc de bien savoir de bien pourquoi savoir nous voulons. Pourquoi nous voulons, de bien savoir pourquoi il y a des choses que nous ne pouvons pas vouloir, etc. Mais c'est tout le pari de la philosophie cartésienne. C'est qu'en philosophant, je vais comprendre ce que je suis. Il y a un très bel ouvrage un peu daté de Ferdinand Alquier dans les années 1950 qui s'appelait « La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes ». Le titre est magnifique, « La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes ». En faisant de la métaphysique, en particulier de la philosophie en général, je vais découvrir ce que je suis, apprendre à connaître mes possibilités, mes limites. Donc il y a un nouveau pari sur la puissance pratique de la philosophie et sa puissance d'amélioration de nos existences. Enfin, pour conclusion de cette morale, je m'avisais de faire une revue sur les diverses occupations qu'ont les hommes en cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure, et sans que je veuille rien dire de celle des autres, je pensais que je ne pouvais mieux que de continuer en celle-là même où je me trouvais. C'est-à-dire que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer autant que je pourrais en la connaissance de la vérité suivant la méthode que je m'étais prescrite. J'avais éprouvé de si extrêmes contentements depuis que j'avais commencé à me servir de cette méthode que je ne croyais pas qu'on en pût recevoir de plus doux, ni de plus innocent en cette vie. Et découvrant tous les jours par son moyen quelques vérités qui me semblaient assez importantes et communément ignorées des autres hommes, la satisfaction que j'en avais remplissait tellement mon esprit que tout le reste ne me touchait point. Si l'on en croit Descartes, Denis Moreau, on peut tout à fait vivre de philosophie et d'eau fraîche. C'est même ce qu'on a de mieux à faire. Avec un peu d'amour, peut-être. Cette quatrième maxime, c'est la dernière. Vous remarquerez quand Descartes, dans le texte qu'on a lu au début, annonce sa morale par provision, il dit qu'elle ne consiste qu'en trois ou quatre maximes. Pourquoi cette hésitation? C'est un peu étrange. Il y a une forme d'indécision alors qu'il n'est pas du tout cartésienne. Enfin, tout le monde sait bien que Descartes, il aime bien les choses précises. Et donc, quand il fait des dénombrements... Quand il y a six méditations, il y en a six et pas quatre ou cinq. Donc là, ça indique le statut un peu particulier de cette quatrième maxime. Les trois premières, pourrait-on dire, elles sont valables pour tout homme. Elles concernent tout à chacun et chacun peut les appliquer dans sa vie. La quatrième est plus particulière. Elle est plus particulière parce qu'elle concerne Descartes lui-même, qui dit « je ne peux mieux faire que continuer dans ce que j'ai décidé de faire à présent », c'est-à-dire philosopher, mais ça peut-être que c'est pas pour tout le monde. C'est pour certains esprits qui ont de la chance, incontestablement. Alors c'est un texte, c'est un des plus beaux textes qui est sur la vocation philosophique, hein, sur l'espèce de... désir ou de mouvement qui me met en marche vers la recherche de la philosophie conçue comme recherche de la vérité. Et c'est un texte aussi où vous remarquerez, alors vous l'avez prononcé, c'est un mot qui revient très souvent dans le discours de la méthode, qui a presque valeur de concept technique, même s'il a des apparences banales, c'est content. Je suis content. Et ça, c'est quelque chose de permanent chez Descartes, c'est que le bon usage de notre raison, et une des bonnes façons d'user de sa raison incontestablement, c'est de faire de la philosophie, c'est quelque chose qui procure les plus hautes satisfactions. La correspondance avec Elisabeth parlera d'une béatitude naturelle, ce qui est un thème assez fort, hein. Béatitude, c'est du lexique de théologien, et naturel, ça s'oppose à surnaturel, donc c'est l'idée qu'on peut, dès cette vie, avec les simples moyens intellectuels dont nous sommes naturellement dotés, atteindre des formes de contentement et de satisfaction de soi extrêmement élevées, et ça, c'est dans et par la pratique de la philosophie que cela se fait. Mais quand on lit ce texte de cette manière-là, on a l'impression qu'il s'agit d'un texte de presque de développement personnel, parce que le but c'est d'être le plus content possible, et voici une méthode à suivre pour y parvenir, et vous y arriverez. Que reste-t-il de philosophique là-dedans? Vous n'êtes pas très gentil avec Descartes, comparer le discours de la méthode à le développement personnel. Ah bah l'objectif se tient quand on lit ça, on se dit bah oui, finalement... Non mais je crois qu'il ne faut pas se moquer du développement personnel. Je vais le faire un petit peu, au sens où le développement personnel vous promet le bonheur en 10 minutes et 25 pages, et ça c'est évidemment une escroquerie, Descartes, mais... La question de la vie bonne, de la vie réussie, est une question qui travaille la philosophie depuis ses origines. La différence avec le développement personnel, elle n'est pas dans la question, elle est dans les moyens et les réponses qu'on donne. La philosophie, et ça, Descartes est le premier à dire, ça prend du temps, c'est difficile, il y a des moments compliqués. Par exemple, demain, vous allez parler du doute. Alors, non pas sous la forme du doute soft du jeune Descartes qui se balade un peu parcourant l'Europe sans être dupe de la comédie qui s'y joue, mais le doute hyperbolique, métaphysique. Et ça, Descartes dit, ça c'est dur, ça fait mal, il faut... Douter de sa propre existence et essayer de trouver des raisons de pouvoir la fonder quand même. C'est la quatrième partie du discours de la méthode. Déraciner l'enfant en moi, en terminer avec les préjugés. Si vous lisez le récit que les méditations donnent de cette opération, il y a des nuits blanches, il y a de l'angoisse. Enfin, ça n'est pas facile. Et donc, ce que Descartes reprocherait au développement personnel, c'est pas le but qu'il s'assigne, qui est un très beau but. C'est une forme d'escroquerie intellectuelle qui consiste à penser que tout ça peut s'obtenir dans la facilité et la joie permanente. Dernière phrase de l'éthique de Spinoza, tout ce qui est beau est difficile autant que rare, ou tout ce qui est précieux est difficile autant que rare. Moi, j'irais bien placarder ça au-dessus des rayons du développement personnel dans les librairies pour rappeler que c'est un peu plus compliqué que Oui, et pourtant, vous parliez de l'importance de croire en une lisière. Lorsque nous sommes perdus dans la forêt, peut-être que cette facilité est ce qui nous permet de mettre en œuvre quand même certaines choses qui, sans laquelle nous n'irions même pas dans cette voie. Alors, c'est la lisière, c'est de l'espérance. Hein. C'est de l'espérance que le chemin que je parcours se révélera fructueux. Alors, évidemment, le cas de figure catastrophique, c'est qu'il n'y ait pas de lisière, ou que la lisière, ce soit la mort, ce qui est une façon de lire la métaphore cartésienne. Il se trouve que chez Descartes, de la lisière, il y en eut. C'est demain, cogito. Demain pour nous. Oui. Demain pour vous. Cogito, donc, conquête de la vérité, et puis à partir de là, construction du savoir. Donc, le pari fait sur la philosophie s'est révélé bienveillant et fructueux. C'était un monde où les choses se passent bien. Mais le monde de Descartes. On va pas le regretter. Hein. Quel lien entre cette partie du discours de la méthode que nous sommes en train de commenter, et notamment la deuxième maxime avec ce voyageur égaré en pleine forêt, et le début de la Divine Comédie de Dante, par exemple. C'est exactement la même chose. Nel Mezzo del Cammin. Au milieu d'un chemin, dans une forêt, c'est la même métaphore du chemin, de la forêt. C'est une métaphore. Alors, j'ai malheureusement pas en tête précisément le début de la Divine Comédie, donc je peux pas vous faire. Je pense que c'est une métaphore assez fréquente. J'ai lu récemment une nouvelle de Tolstoï qui est absolument extraordinaire, Maître et serviteur, qui raconte l'histoire d'un maître et un serviteur qui se mettent en route en Russie par tempête de neige et qui se perdent dans la forêt et qui ne réussissent pas à aller droit. Donc je trouve que c'est une métaphore extrêmement puissante pour exprimer ce qu'est la condition humaine, hein, cette espèce de sentiment de perdition que nous avons dans une existence opaque. Ce qui est intéressant chez Descartes, alors c'est outre le développement qu'il donne à cette image, ce qu'il suggère sur la façon de s'en sortir. Chez Tolstoï, il n'est pas tellement question de philosophie. C'est plus des moyens. C'est plus des moyens religieux en tout cas qui permettent de le faire. Mais justement, vous abordez cette question. Il est étonnant de voir qu'ici la morale, certes par provision que Descartes met au point, prend en compte Dieu par moment. Il faut respecter les us et coutumes d'un pays et aussi ce que la voie divine, mais finalement c'est une morale qui n'implique pas vraiment l'existence d'un Dieu, puisqu'il s'agit de respecter les coutumes, d'être ferme en sa volonté. À aucun moment il est dit que pour agir moralement, il faut agir selon ce que Dieu nous demande de faire. Oui, alors il n'est pas exclu que, en pays chrétien, les coutumes soient elles-mêmes religieuses. Et on l'a pas commenté, puis c'est peut-être pas le lieu, parce qu'il faut pas abuser de ces choses-là. Mais dans la première maxime, hein, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance. Alors souvent, on dit c'est désacralisant parce que ça rabat la religion sur la coutume. C'est vrai en un sens, mais dans ce texte, il y a le mot « grâce », qui est un mot technique de théologien. La grâce, c'est la foi qui est reçue sans qu'on l'ait méritée. Donc, il n'y a pas de raison de penser que Descartes n'est pas sérieux en écrivant ça. Et puis, vous voyez, à nouveau, c'est un petit peu décapant pour nous, modernes, cette idée que la religion de mon enfance est la bonne. Alors là encore, on est dans l'anti-méthode. La méthode, ça consiste à déraciner les préjugés de l'enfance en moi. En matière de pratique, au contraire, on va cultiver ce qu'on a reçu du passé. Et puis nous qui aujourd'hui, quand nous parlons de religion, avons quand même plutôt tendance à aller voir du côté des Perses et des Chinois, comme dit Descartes. Oui. Descartes dit, non, il n'y a pas de raison. Jusqu'en plus ample informé, pourquoi ne pas se contenter de ce rapport à la tradition? Et Adrien Bayet, le biographe de Descartes, raconte que, alors que quand Descartes était en Hollande, aux Provinces-Unies, un pasteur protestant était venu le voir et lui disait, mais pourquoi ne vous convertissez-vous pas protestantisme, et Descartes a eu cette réponse que je trouve, m'a toujours semblé magnifique, il dit « Monsieur, j'ai la religion de ma nourrice ». Voilà. Il n'a sûrement pas la philosophie de sa nourrice, mais la religion, si. Une toute dernière question, est-ce qu'on peut dire que cette morale par provision serait ce qu'on appellerait aujourd'hui une éthique ? Ou quelle différence finalement ? Alors, j'ai jamais très bien compris la différence entre la morale et l'éthique, c'est le même mot en grec et en latin. Hein. Après, les définitions de mots étant libres, on peut dire souvent, on entend par morale quelque chose de transcendant et d'imposé. C'est ça, il y a un bien et un mal, alors que l'éthique serait plutôt le bon et le mauvais. Le bon et le mauvais. Il y a quand même, j'ai toujours été embêté par cette distinction, parce qu'il y a des gens pour qui, donc, on est dans l'ordre du bon et du mauvais, mais on se fiche pas mal du bien et du mal, et puis d'autres qui vous disent ce qui est important, c'est le bien et le mal. Et peu importe que ce soit bon ou mauvais pour vous, il y a heureusement des configurations philosophiques où les deux se réunissent, d'accord, où on va dire bonheur et vertu ne sont pas incompatibles, et il me semble que c'est précisément ça que nous propose Descartes. Donc là encore, c'est un monde plutôt rassurant, où on n'a pas à choisir entre le fait de bien agir et le fait d'être heureux. On n'est pas chez Kant, tant mieux. Voilà. Encore faut-il choisir le bon chemin à arpenter. Bon, on se quitte avec ce petit chemin, c'est Mireille qui le chante. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous y donnent leur fête, les lapins nous invitent. Souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin m'a tourné la tête, t'as posé trois baisers sur mes cheveux frisés, et puis sur ma figure toute barbouillée de murs, pour nous observer des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit: soyez sages, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Et oui, ces émissions, on commence avec Led Zeppelin et on finit avec Mireille, avec Denis Moreau au milieu. Merci à vous, Denis Moreau. Merci beaucoup d'être venu nous guider dans cette forêt obscure ce matin. De vous, on peut lire, eh bien, La philosophie de Descartes, repère aux éditions Vrin, une édition de la lettre préface des principes de la philosophie de Descartes en Garnier Flammarion. Votre dernier ouvrage, paru l'an dernier, s'appelle Comment peut-on être catholique? Un tout autre sujet, quoique. Quoique. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un manifeste au programme. Et pas n'importe quel manifeste, le manifeste des espèces compagnes de Donna Haraway, qui paraît dans une nouvelle traduction aux éditions Climat. Professeur émérite à l'Université de Californie, philosophe et biologiste, Donna Haraway est d'abord connue pour un autre manifeste, le manifeste Cyborg, qui a fait d'elle une des pionnières du cyberféminisme. Poursuivant sa réflexion sur les corps et leurs affinités, femmes, animaux ou cyborgs, elle se penche ici sur les espèces de compagnie, ou plutôt les espèces compagnes, pour reprendre la nouvelle traduction de ce manifeste. Et parmi tous ces animaux, il y en a un sur lequel elle se penche tout particulièrement, un animal qu'elle affectionne, le chien. Mother, my dear, though I spend my days in conversation, please remember me. Mother, my love, don't forget me. Mother, my dear, hold your head up, you silly girl. Look what you've done. Savez-vous qui est Martha, celle à qui Paul McCartney clame tout son amour? Mais c'est son chien, enfin sa chienne. Exactement, et alors sur l'amour d'un chanteur ou d'une chanteuse portée à son chien, on trouve d'ailleurs de quoi faire. Et étonnamment, en philosophie aussi, depuis quelques temps, notamment depuis toute cette mouvance autour de la question animale, le chien connaît lui aussi une actualité frappante. Colloque, réédition ou essai, on pourra citer par exemple Chien de Marc Alizard, c'est bien dans cette actualité double de la question animale et du chien précisément que s'inscrit cette nouvelle traduction du manifeste des espèces compagnes. Car ce qui intéresse Donna Haraway, c'est bien l'idée, je cite, de cohabitation, de coévolution et de socialité interspécifique incarnée au moyen d'une écriture canine qui nous invite à rejoindre le chenil pour la vie. Alors ce qu'on peut lire dans ce manifeste, ce sont ainsi deux choses. La première, des récits de partage entre les hommes et les chiens. Et deuxième chose, ce qui est la finalité de ce livre, le déploiement d'une éthique et d'une politique, je cite, dévouée à la prolifération des relations de partenaires. Sa langue souple et agile de berger australien, rouge merle, a nettoyé les tissus de mes amygdales et tous leurs avis de récepteurs immunitaires. Qui sait jusqu'où mes récepteurs chimiques ont transporté ces messages ou ce qu'elle-même a emprunté à mon système cellulaire pour distinguer le soi de l'autre et joindre le dehors au dedans. Nous avons tenu des conversations illicites. Nous avons entretenu des rapports oraux. Nous sommes contraintes de raconter une histoire après l'autre à l'aide des seuls faits. Nous nous dressons l'une l'autre à accomplir des actes de communication que nous maîtrisons à peine. Nous sommes, constitutivement, des espèces de compagnie. Un récit de partage avec sa chienne Mademoiselle Cayenne Pepper pour promouvoir ce qu'elle appelle les relations de partenaires, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant dans ces premières lignes du manifeste des espèces compagnes que Donna Haraway qualifie elle-même de pornographie soft, apparaît bien l'affinité au cœur de ces relations de partenaires. En décrivant le mélange des salives, le frottement des peaux et les caresses de poils, le terme partenaire prend en effet sous sa plume une autre dimension et c'est toute la spécificité de la démarche de Donna Haraway à la différence de la plupart des essais sur la cause animale, elle tente, elle, de révéler que la dimension avec tout animal est d'abord affective, particulière, charnelle et sentimentale. D'où ce parti pris du récit singulier avec ses chiens. Mais jusqu'où cette relation de partenaire et d'affinité, et non seulement de compagnie, est-elle possible avec son chien ? Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes propriétaire de chien, vous voulez le devenir. Vous allez découvrir comment comprendre, dresser et éduquer votre chien. Dans cette vidéo, je vous présente mes chiens Daska, ma bergère australienne. Bisous. Ma bergère australienne de 8 ans et Drogon, mon berger allemand de 2 ans et demi. Je suis éducateur et je veux vous partager ma passion et mes conseils. Alors n'hésitez pas à mettre une papade bleue pour éduquer et éduquer votre chien. La question du dressage pointe cet enjeu de l'inégalité entre les chiens et les hommes. L'amour que l'on porte à celui-ci ne masque-t-il pas au fond une relation foncièrement inégalitaire ? On a beau être antispéciste, défendre la continuité des espèces, militer pour l'éthique animale ou une politique du vivant, comme le font les parutions actuelles sur la cause animale, ou, comme le fait Donna Haraway, décrire le mélange cellulaire et identitaire avec son animal, cela est-il suffisant ? Ou bien n'est-ce pas trop, justement ? L'originalité de ce manifeste est de pousser la réflexion sur nos relations entre espèces jusqu'au bout, jusqu'à leur fusion, en partant pourtant de notre expérience la plus ordinaire, celle de l'amour que l'on a pour nos chiens, chats, oiseaux et autres. Et l'enjeu est là, comment cultiver l'affinité, l'idée d'espèces compagnes, partenaires, sans en faire les faux alliés de notre pensée. Oui, et bien on parlera de la relation entre les hommes et les animaux. Chez Descartes, c'est tout un programme, on est bien loin de comment ça apprendre annonce à lever son chien d'espèces d'animaux. Ça annonce. Alors, le livre en tout cas que vous nous conseillez de Donna Haraway, Haraway, donc Manifeste des espèces compagne avec une préface de Vinciane Després. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette série cartésienne, Élise Leu qui est à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert, qui est à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le discours de la méthode de René Descartes. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Jean-Luc Marion avec une question. Je pense, donc je suis, point d'interrogation, à savoir en quel sens la pensée prouve-t-elle mon existence ? Ce sera le programme demain, 10h.